À la maison du cinéma de Sherbrooke cette semaine, Les yeux jaunes des crocodiles de la réalisatrice Cécile Tellerman en version originale française. Et les filles, il faut que je vous parle. Papa est parti. Vous êtes disputées? Non. Il va revenir. Et pas de bêtises, Zoé. Papa est parti avec la pouffe du salon de coiffure. Il reviendra pas, point barre. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Bah, tu m'as fait que mon père s'est cassé parce que t'es moche et chiante. En même temps, tu me diras bon débarras. Hein. J'ai jamais compris comment elle faisait pour supporter ce raté. Moi, ça fait longtemps que je t'aurais foutu à la porte. T'en penses quoi? Bah, je sais pas. Imagine que demain, tu te retrouves toute seule. Joséphine, il faut que tu te trouves du travail maintenant. Maman, écoute, arrête. Ta sœur est une incapable. Mais j'ai un travail. Je te rappelle que je suis chercheuse au CNRS. Et toi, Iris, raconte, qu'est-ce que tu as fait de passionnant cette semaine? J'ai commencé à écrire. Tu écris? On peut savoir sur quoi? C'est l'histoire d'une femme marchande au XIIe siècle. Sur tous les sujets possibles et imaginables, il a fallu que tu piques juste celui de ta sœur. Mais alors, qu'est-ce que j'ai appris? Il paraît que t'écris un roman, ton histoire de femme marchande au Moyen-Âge. Mais c'est minable. Tu m'as toujours dit que c'était ringard le Moyen-Âge. J'ai besoin d'écrire. J'en crève d'envie. Mais j'y arrive pas, j'en suis incapable. Et alors? Et alors, tu vas m'écrire ce livre? Tu sais, si c'est nul, hein, c'est elle qui va tout se prendre et pas moi. Eh oui, et si c'est pas nul et que ça marche? Comment vivez-vous votre succès? Mais le succès, je le vis bien. Bien, bien, bien. C'est quoi que tu sois fier de moi? Fier de quoi exactement? De ton indécence? Tout ça pourquoi? Pour un livre que t'as même pas écrit? Enfin, je comprends pas, il a pas changé ta vie ce bouquin? Si, justement. Mais t'es complètement à côté de la plaque, ma pauvre fille. Avec ta générosité à la con. De quoi t'as peur exactement? Mais je sais pas. De tout. Tu passes ta vie à fuir. Envie de vivre ta propre vie. L'Exode, Dieux et Rois, disponible en 2 et en 3D, en version française et en version originale anglaise. Tu dis que tu n'as pas causé tout ça. Tu dis que ce n'est pas ta faute. Alors voyons qui est le guerrier le plus redoutable. Moïse, Ramsès, quand je vous regarde, je vois encore les deux garçons qui ont grandi ensemble. Et s'aimaient comme des frères. Je suis venu te prévenir qu'une chose va se produire sans que je puisse l'empêcher. La théorie de l'univers du réalisateur James Marsh, en version française. Allez, lève-toi. Bonjour, Brian. Steven, t'es conscient que t'as entrepris délibérément un doctorat en physique? Salut. Salut. Moi, c'est science. Moi, les arts. Je suis cosmologiste. Ça fait quoi, ça? J'étudie le mariage de l'espace et du temps. Le couple parfait. On ne sait jamais d'où nous viendra la prochaine grande avancée incontestable, ni de qui. Et si j'inversais le cours du temps pour voir ce qui s'est passé au commencement de l'univers? Remonter le temps. Remonter le temps. Continue. Je sais pas comment. Pour l'instant. Remonte encore. Pour aller où? Cela s'appelle la sclérose latérale amyotrophique. L'espérance de vie est de 2 ans. Le temps qu'il nous reste, je veux qu'on le passe ensemble. Ça va être dévastateur. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui vous attend. Ça va être une très lourde défaite. Mais je l'aime. Et il m'aime lui aussi. Cette maladie, nous allons la combattre ensemble. Bonne chance. Comment vas-tu?